Moïse quitte le Sinaï pour aller vers la terre promise. Il explique aux Israélites les paroles et les lois du Seigneur et comment Dieu a créé le monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la terre était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et cela fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Que la terre fasse pousser de la verdure, des herbes portant semences, des arbres à fruits produisant selon leur espèce du fruit contenant sa semence. Et cela fut ainsi. Et la terre fit sortir de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, et des arbres produisant selon leur espèce du fruit contenant sa semence. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils soient les signes, qu'ils marquent les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon, et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants, et que les oiseaux volent sur la terre, sur la face du firmament du ciel. Et Dieu créa les grands animaux aquatiques, et tout être vivant qui se meut, foisonnant dans les eaux selon leur espèce, et tout volatile ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu les bénit. Soyez féconds et multipliez, et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Que la terre fasse sortir des êtres animés selon leur espèce, des animaux domestiques, des reptiles et des bêtes de la terre selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, les animaux domestiques selon leur espèce, et tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa mâle et femelle, et Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence. Ce sera pour votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toutes les herbes vertes pour nourriture. Et Dieu considéra tout ce qu'il avait fait et vit que cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Et quand Dieu eut terminé le septième jour l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa de son labeur. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. L'homme, ainsi, régnait sur toute la création, dans l'union complète avec le Seigneur. Mais Adam et Ève péchèrent, et Dieu les rejeta loin de lui. Ainsi fut rompue l'union avec Dieu. Adam et Ève eurent une nombreuse descendance.